Chapitre 9. Où Jean se confesse. Une tempête à la cave. Les rats. Je sauve le navire. Quand nous fûmes seuls, Jean me dit : voilà ce que c'est que de mettre la charrue avant les bœufs. Si tu m'avais laissé conduire l'affaire, nous serions maintenant les maîtres du vaisseau. C'est toi qui as voulu mettre du genièvre pur dans la bouteille. Commences-tu à comprendre que tu manques de capacité ? J'étais fort abattu et j'avais ce grand mal de tête qui suit la première orgie. Je répondis : maman Quimper avait de bonnes tisanes pour toutes les maladies et nous sommes bien à plaindre d'être si loin de chez nous. Voilà ce que je comprends. Tu es la cause de tout, puisque c'est toi qui as percé le tonneau avec ton haleine. Maintenant, nous sommes en pénitence. Nous n'aurons plus de ragoût et nous vivrons dans l'obscurité. C'est bien fait. Laisse-moi dormir. » C'est ça, riposta Jean. Je ne veux plus jamais que tu me parles. Tu as tous les défauts. De faire fortune avec toi, ça me dégoûte. J'aime mieux rester sans le sou. Au moins, on ne partagera pas. Je l'entendis qui s'arrangeait dans le poussier et j'en fis autant. J'éprouvais un accablement complet mais impossible de fermer l'œil. Loin de diminuer la tempête qui nous poursuivait depuis le départ, augmentait évidemment, car le tapage devenait insupportable. Nous entendions maintenant les paquets de mer tomber sur le gouvernail avec une fureur inouïe et le balancement du navire nous roulait de ci de là. De temps en temps, parmi les fracas sourds qui nous enveloppaient, de grands cris nous venaient du pont et nous ne pouvions nous y méprendre. Les bonnes grosses voix de nos Hollandais changeaient d'accent. Il y avait de la détresse dans ces clameurs qui descendaient à chaque instant plus confuses. Je dis « nous », mais je ne devrais parler que de moi, car je croyais mon cousin endormi et j'enviais son sort. Quand je l'appelais, il ne me répondait pas. Tout à coup, le cochon, notre camarade de chambre, se mit à grogner lamentablement. Un coup de tangage m'envoya les légumes à la volée par-dessus le corps et les gonds du malheureux gouvernail ne crièrent plus. En même temps, une clameur arriva du pont et je m'en allais donner de la tête contre la cloison à demi ensevelie que j'étais sous le poussier de charbon et les pommes de terre. Le plancher de notre trou s'était mis à pic. « Seigneur mon Dieu » m'écriai-je. « Qu'est-ce que c'est que cela ?»« C'est la fin, » dit Jean, dont la voix me parut calme et méchante. « Confessons-nous, toi à moi, moi à toi. Ça se fait quand il n'y a pas moyen d'avoir un prêtre à l'article de la mort. » Et il se mit à réciter son confiteor en latin avec un sang-froid qui me faisait honte. Mais il n'alla pas jusqu'au bout. « Ça presse, » dit-il tout à coup. Il y a de l'eau en bas, car voici les rats qui montent. Dans les ports de mer, toutes les légendes de navires sombrant sous les voiles mentionnent ce détail sinistre. Et j'avais bien souvent frémi au moment où papa Quimper arrivait à dire en secouant la tête et en baissant la voix « On vit les rats qui montaient de la cale par bande, mauvaise affaire !» Jean ne se trompait pas. J'en sentis un, puis deux, puis vingt, qui courait effaré par tout mon corps et jusque sur ma figure. Le cochon se mit à pousser des hurlements comme si on l'eût écorché vivant. Puis le navire, roulant sur sa quille en grand, me rejeta meurtri contre l'autre cloison. Tout craqua. Je ne peux pas dire l'horreur des bruits qui emplirent ce trou noir. Il y avait des éclats et des déchirements. C'est sûr, les navires râlent avant de mourir. Et c'est une bien dure agonie. La voix de Jean, qui me parut n'avoir point changé de place, prononça. « Attrape à écouter ma confession, puisque ça se doit. Je n'ai rien volé qu'une boîte de sardines et la bouteille de squidam d'hier soir, et des pruneaux et de la ficelle, et du saindoux, et de la pâte de jujube, et un pied de veau, et du gros miel, et du chocolat, et des épingles, et un canif. » À ce moment, une manière d'explosion se fit au-dessus de nos têtes, imprimant à la gabarre un choc profond et bien distinct de ceux qui provenaient des coups de mer. « Nous avons touché sur un écueil, » dis-je. « Nous sommes perdus !» Nous sommes perdus, riposta Jean. C'est vrai, mais nous n'avons pas touché. La tape est venue par en haut. C'est le grand mât qui se sera cassé comme une paille. Es-tu paré à m'écouter ? Et poursuivant son examen de conscience, il reprit. J'ai mis du poivre dans le bas de la pauvre bonne Madame Élie une fois qu'elle m'avait trop battue, et elle disait « J'ai quelque chose qui me dévore la plante des pieds ». C'était pour rire. Ah, je regrette la béquille. Et elle a hurlé misère tout un jour. Faut bien s'amuser. C'est moi qui avais percé le panier de la vitrière quand elle sema son café depuis chez nous jusqu'à la cathédrale. Ça, c'était mal. On ne doit rien perdre. C'est moi qui avais arraché les boutons de la chemise neuve d'Élie Neveu le jour où il s'était mis pharo pour danser à la noce de la douanière. Les rats sont tous passés. L'eau va venir. » Elle venait. Depuis un instant, collé que j'étais à la cloison de la soute aux genièvres, où le dernier choc m'avait lancé, je sentais le froid d'une multitude de petits jets entrant par toutes les fentes comme les fuites qu'on voit au bas des écluses. Cela n'allait pas très vite, la gabarre était bonne. J'étais bien jaloux du calme de Jean Piteux, qui parlait vraiment avec une tranquillité extraordinaire. Moi, je ne trouve point de mots pour exprimer la terreur qui me poignait. Mais au milieu de l'épouvante qui me montrait la mort horrible, inévitable, dans ce trou noir comme l'enfer, où nul secours ne pouvait pénétrer, le sentiment de rivalité, victorieux de tout, persistait en moi obstinément. Pourquoi Jean n'était-il pas ballotté comme moi de place en place, car j'entendais toujours au même endroit sa voix sèche et dure? Pourquoi gardait-il du courage quand moi j'étouffais de peur? Je m'étais toujours cru beaucoup plus brave que lui. L'humiliation versait du fiel sur ma torture. « Jean, lui dis-je tout naïvement, tu pleurerais toutes les larmes de ton corps si tu n'avais pas idée qu'on peut se sauver. Dis-moi ton idée, je t'en prie. » Au lieu de répondre, il pensa tout haut. « Les voilà qui essayent de soulager le mât là-haut. J'entends les coups de hache. » Puis il ajouta, « Est-ce qu'il ne t'arrive pas de l'eau là où tu es ?» Je répliquai, « Je suis déjà tout trempé. Où es-tu et comment peux-tu tenir ferme ?» Il faut vous dire que la gabarre, privée de son gouvernail, comme nous l'apprîmes plus tard, donnait son travers à la lame et n'avait plus qu'un mouvement. Le roulis qui la versait toujours du même côté à cause de la chute de son grand mât, lequel pesait sur tribord. Il en résultait que le plancher de notre trou s'inclinait selon une ligne qui variait entre la pente d'un talus très raide et la verticale. Vous voyez que je sais parler savant quand je veux. J'étais tout en bas de cette pente et Jean tout en haut. Il eut son ricanement et me dit « Je me tiens ferme parce que j'ai de l'idée. Tu es bousculé parce que tu n'en as pas. Ce sera toujours comme ça. Quant à se sauver, toi ou moi, nous sommes aussi bien flambés tous les deux que si nous cuisions au four. » Je finis ma confession. Je ne me souviens pas d'autre péché. Ah si, c'est moi qui avais décloué la marche de l'escalier qui pensa casser le cou de patron François. Il m'avait donné un coup de pied dans le devant des jambes. C'était juste. Je n'ai rien caché et je ne demande pas mieux que de me repentir, quoiqu'il n'y ait pas de quoi fouetter un chat dans tout ça. À ton tour, vide ton sac et ne cache rien. Tu dois en avoir de jolies à étaler. Oh, moi ! M'écriai-je avec une contrition passionnée. « Je suis un trop grand pécheur. Il me semble que j'ai fait tout le mal qu'on peut faire, et encore plus. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux, tu sais, et ça va toujours gagnant. Ma conscience est si chargée, si chargée. »« Tais-toi !» interrompit Jean. « Le bon Dieu te prendrait au mot. Ne dis que ton compte, bien juste. » Le navire se redressa si brusquement que je fus lancé, traversant comme une bombe, avec mon eau qui me suivait, toute la largeur du trou. Je vins heurter du coup le pied de l'échelle où je trouvais Jean solidement accroché. « J'étais assez bien, là, » me dit-il. « Mais Isidore, c'était le cochon que nous appelions ainsi, par amitié, était devenu mauvais caractère et me mordait les jambes. Tu as dû l'entendre hurler tout à l'heure. Ça vient de ce que j'ai cherché un de ses yeux à tâtons pour y planter mon haleine. Ça l'a vexé. » Il s'en est allé. Là-haut, ils ont fini de couper le mât, mais voilà l'eau qui monte. Montons aussi. Je m'étais prise à mon tour au dernier barreau de l'échelle et j'avais grand peine à m'y tenir, tant tant le roulis redevenait violent, depuis que le bout du mât pendant à la mer ne calait plus le navire. Chaque mouvement de va-et-vient nous envoyait désormais des baquets d'eau, comme si nous eussions été dans une cuve à demi-pleine. « Grimpons, dis-je, puisque nous avons un escalier, nous serons toujours mieux sur le pont qu'ici, et nous aurons du monde autour de nous. » Jean ne bougeait pas. « Va donc, m'écriai-je. « Passe le premier si tu es pressé, me répondit-il enfin. « Je suis complaisant, moi, et je vais te faire de la place. » Il s'effaça, en effet, de son mieux, sur cette pauvre échelle terriblement secouée, et je parvins à gravir au-dessus de lui. Dès que je fus passé, il me dit « Veille à tes yeux, Corentin. En montant, tu vas rencontrer les rats qui n'auront pas pu sortir, puisque l'écoutille est bien fermée. Il ne nous est pas venu une goutte d'eau par le haut. C'est à cause des rats que je t'ai envoyé en avant. Ah, mais non, tu n'es pas le plus malin. » « Je me moque bien des rats, m'écriai-je. Ne voilà-t-il pas une affaire, les rats ?» Je n'avais pas achevé que mes deux mains à la fois furent piquées par des centaines de petites dents plus aiguës que des clous. J'avais franchi gaillardement plusieurs marches, arrivé à moitié chemin de l'écoutille, en voulant me prendre au montant de l'échelle, je saisis quelque chose de velouté et de moite. Il y eut un cri sifflant comme ceux des hirondelles, qui fut aussitôt répercuté en des milliers de cris pareils. À travers les fracas assourdissants qui nous entouraient, cela grinçait furieusement, taillant, perçant, sciant tous les autres bruits. Rien au monde que j'ai entendu ne saurait donner l'idée de cette déchirante musique. En même temps, depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds, je fus couvert de rats enragés, et Jean, qui montait derrière moi, se mit à hurler. « Il me mange ! Il me mange ! Au secours !» Voilà une nation bien organisée, les rats. Entre le moment où mon attaque involontaire avait mécontenté les deux premiers rongeurs et celui où leur vengeance nous fit un suaire vivant et mordant, j'affirme qu'il ne s'écoula pas 10 secondes. C'était lourd plus qu'un manteau de plomb, et cela brûlait comme une chemise faite avec de la toile à carder. Figurez-vous, un millier de coups de lancettes et des lancettes râpeuses comme des limes. Je voulus crier. Il y eut un rat qui m'entra sa tête dans la bouche. Celui-là, du moins, fut puni. Je le coupai en deux avec mes dents. Je ne conseille à personne ce genre d'alimentation. 10 autres secondes, je n'exagère en rien, nous allions être rongés jusqu'aux os. Un hasard nous sauva. Au moment même où, affolé par la terreur et la souffrance, j'allais me précipiter du haut en bas de l'échelle pour noyer mes ennemis, l'écoutille s'ouvrit en grand au-dessus de nous, nous montrant le jour et donnant passage aux éclats du dehors. Ce que je vis alors est indescriptible, d'autant que ce fut rapide comme la pensée. Tout le long des montants de l'échelle, les rats grouillaient accrochés les uns aux autres. À chacun des barreaux, d'autres rats pendaient en grappes, ce qui ne nous empêchait pas d'en avoir des centaines sur le corps. Le temps de respirer, tout cela disparut comme par enchantement. Tout cela fusa, glissa, jaillit par l'issue ouverte et s'évanouit avec une prestigieuse rapidité. Klotz, qui parut en haut, leva le pied pour écraser au moins les traînards, mais son talon ne frappa que le bois sans même toucher la queue du dernier rat. Il n'y en avait plus un seul dans notre trou. Klotz se mit à rire, quoique le moment ne fût pas à la gaieté. Quand il nous appela de la parole et de la main, nous n'entendîmes pas sa voix qui fut prise par la rafale et emportée dans l'infernal tourbillon de mugissements, de sifflements, d'éclats, de plaintes et de craquements qui rageaient dans l'air. Au moment où ma tête dépassait l'écoutille, je fus souffleté par le vent jusqu'à perdre la respiration. Une lame haute comme les tours du château de Saint-Malo m'apparut par-dessus le plat-bord. Elle avait la forme d'une voûte et je voulus rentrer dans le trou tant il me semblait impossible qu'elle pût passer sans tout engloutir. Klotz me saisit par la nuque et me jeta sur le pont où je m'aplatis. Il en fit autant pour Jean, muet d'horreur, et referma précipitamment le panneau. Il était temps. La grosse lame déferla avec un bruit d'artillerie, mais c'est à peine si elle mit un pied sur le pont, et ce déluge s'écoula rapidement par les dalots. Klotz avait plié les genoux, il baigna dans l'eau qui passait, son front ruisselant de sueur. La lame, cependant, avait poussé contre moi quelque chose qui me heurta lourdement. C'était un corps humain montrant une masse de chair écrasée à la place de sa tête. Je me couvris le visage de mes mains. Klotz me cria dans l'oreille des mots que je ne comprenais pas. Je rouvris les yeux et je vis que son bras gauche, tout sanglant, était attaché à son dos avec des cordes. De son bras droit, il m'attrapa par la ceinture et m'entraîna, en marchant sur ses genoux, vers le grand panneau qui était fermé comme les autres. Je me laissai aller et je regardais avec stupéfaction autour de moi. Rien ne tenait plus. Le mât d'avant laissait flotter au vent une loque large comme un mouchoir. C'était tout ce qui restait de sa grande voile. Et ce petit carré d'étoffe déchiré claquait au vent comme un demi-sang de fouet de poste. Les cordages s'en allaient en brindilles échevelées. Le grand mât n'était plus qu'un tronçon de 3 pieds de haut. Un homme, horriblement mutilé et lié sous les aisselles, s'adossait contre ce débris et semblait mort ou évanoui. 2 autres hommes travaillaient à l'arrière. Ceux-là n'avaient point de blessure. Ils essayaient de remplacer le gouvernail, ou du moins je le crus. Leurs figures vaillantes et calmes me firent du bien à voir. C'était tout ce qu'on apercevait de l'équipage. Une autre lame venait, une autre montagne, sur la hanche de tribord, démesurément relevée. Les nuages déchirés laissaient passer un rayon de soleil qui pénétrait de transparence lugubre l'énormité de cette masse d'eau. Je ne pouvais en détacher mes yeux, domptés par une fascination morne. Il y eut un instant où cette lame monstrueuse fit ombre au-dessus de nous comme une falaise qui se serait voûtée sur nos têtes. Klotz se coucha, je me collai au plancher, tout contre gens qui récitaient des prières, et j'aurais bien voulu en faire autant, mais je ne pouvais pas. Il me parut que mon cœur quittait ma poitrine quand la montagne, après avoir passé sous le navire, nous laissa retomber tout au fond de son écumante vallée. J'avais été lancé contre le bordage de bâbord, et j'eus le temps de voir sous le vent, à 2 encablures de nous, un chasse-marée en perdition qui allait entre 2 eaux avec une grappe d'hommes sur sa grand vergue. Plus loin, il y avait une grande coque, rase comme un ponton et qui, sans doute, tirait le canon de détresse, car la fumée sortait par bouffées de ses sabords. Mais on n'entendait rien. C'était tout. Il n'y avait point de terre en vue. L'horizon semblait très rapproché, malgré la clarté momentanée du ciel qui jetait un jour faux et d'un éclat sinistre. Au vent de nous, une armée de nuages noirs accourait. La mer était couleur de granit sous ses larges taches blanches. Je vis tout cela, puisque je m'en souviens pour le dire, mais il faut bien avouer que ma pensée était dans une étrange confusion. Ce qui m'entourait m'apparaissait comme le mensonge impossible d'un cauchemar. Maman Quimper et Fanchette passèrent plus d'une fois à travers ce rêve. Ah, il m'arriva aussi de songer à la maison Élie. J'aurais voulu m'accrocher à la béquille détestée comme à une planche de salut. Et dans le tintamarre, j'entendais la voix de basse taille de ce joyeux petit homme, papa Quimper, qui disait « À la santé de ma femme, les Anglais sont des merlus, vive Monsieur Surcouf !» Je me voyais tout petit enfant dans la hotte qui me voiturait à l'école des demoiselles Luminet. Certes, si maman eût été à bord, elle aurait bien trouvé un moyen de nous sauver. Guénolé, le bon garçon que Dieu devait aimer, priait-il pour nous à cette heure? Mais Fanchette, ah, mon pauvre petit cœur, comme elle allait pleurer, elle qui savait si bien sourire. Eh bien oui, je pensais aussi à mes 2 sœurs de lait, Jeanne et Marie, celles-là qui se détournaient de moi et laissaient rire leur cancalaise en face de ma misère. Peut-être que leurs yeux se mouilleraient en apprenant ma mort et qu'elles se diraient « pauvre Corentin ». La 3e lame venait. Était-ce la dernière? Je fermais les yeux et un déluge me submergea. Sans Klotz, dont la bonne main me saisit aux cheveux, je passai cette fois par-dessus bord avec l'homme à la tête écrasée, que je vis flotter, puis disparaître à quelques pieds de moi. J'ai mis beaucoup de temps à écrire tout ce qui précède, mais il n'y avait certes pas 2 minutes que nous étions sur le pont. Klotz me traîna précipitamment jusqu'au grand panneau qui était percé de 2 trous ronds, par où sortaient les tuyaux de 2 pompes vomissant sur le pont une eau noire. Il ouvrit la trappe et me poussa dans l'escalier. Au moment où la quatrième lame venait, je l'entendis passer en bouillonnant sur ma tête. L'instant d'après, Jean, introduit de la même façon, dégringolait auprès de moi en gémissant. La voix de Klotz, qui restait sur le pont, cria en même temps « Cornille Peters !» puis quelques mots en hollandais. Nous ne savions trop ce qui se passait autour de nous, mais nos yeux s'habituèrent bien vite à l'obscurité qui était combattue ici par la vitre du panneau et nous distinguâmes quatre hommes travaillant aux pompes désespérément. Deux d'entre eux, Peters et Cornille, nous cédèrent la place et nous enseignèrent la manœuvre par geste, puisque nous ne nous entendions pas les uns les autres. Je compris alors pourquoi on était venu nous chercher là-bas. Les bras manquaient pour franchir la voie d'eau qui nous avait envoyé l'armée des rats dans notre trou. Aussitôt que la lame eut passé en grondant, Peters et son compagnon disparurent. Je n'ai pas besoin de dire que nous nous y prîmes très mal d'abord avec notre pompe, qui était d'ailleurs un outil assez incommode, en mauvais état et d'une simplicité antique. Mais à force de regarder nos compagnons, nous finîmes par trouver le mouvement et tout alla bien. Chacun de nous comprenait que s'il restait une chance de salut, elle était là, entre nos mains, et nous faisions de notre mieux. Jean était assez robuste malgré sa courte taille, et je n'ai guère connu de petit gars mieux bâti que moi. Les travaux forcés auxquels nous étions condamnés chez Veuve Élie nous avaient rendus résistants, ce qui est la meilleure condition du monde pour pomper. Jean me dit, au bout d'un quart d'heure, « Je sens que j'enlève de l'eau en masse, il n'en restera bientôt plus une goutte à fond de cale. »« Tu vas mieux que je n'aurais cru, » répondis-je, « mais c'est égal, j'en monte trois fois plus que toi, comme de juste. » Les deux Hollandais qui manœuvraient l'autre pompe offraient l'image de l'épuisement le plus complet. Il faut se rendre compte de ce fait que, depuis le départ, la tempête avait toujours été en augmentant et qu'aucun homme de l'équipage n'avait pu prendre un instant de repos. C'étaient deux larges et solides gaillards, lourdement construits et qui, malgré leur fatigue, manœuvraient avec une régularité mécanique. Chacun d'eux avait une bouteille de genièvre pendue au cou et de temps en temps, ils buvaient une gorgée, une seule. « Nous travaillons bien sans cela, nous autres » m'écriai-je. Jean me répondit « Tu oublies l'état où tu t'es mis hier au soir ?» Moi aussi, je me suis dérangé, mais pas tant que toi. Voyons, ferme, vis dans la carcasse en deux temps, et houp, c'est maintenant que nous n'aurions pas grand-peine à faire comme Monsieur Surcouf et à prendre la gabarre. Le temps est trop mauvais, répondit Jean, et si ces gens-là entendaient le français par hasard, tu nous mettrais dans de jolis draps, tâche de te taire. Mais nos deux pauvres diables de compagnons n'entendaient pas le français. Ils dormaient debout et chancelaient, acharnés à leur devoir. Notre ardeur parut les ranimer pourtant quelque peu, et quand j'entonnais la chanson de M. Dumollet pour régler nos mouvements à moi, ils ouvrirent leur large bouche en un mélancolique sourire. Il y en eut un même qui nous offrit sa bouteille. Nous refusâmes fièrement, et je dis en soignant mon style, car je parlais au nom de ma patrie, « Le breton n'a pas besoin de s'ivrer comme un anglais ou un tetch » pour réchauffer son courage naturel. S'il m'eût entendu, papa Quimper m'aurait renié, et maman aussi peut-être, à cause de la buvette.